5. L'Évangile selon saint Perrault. Alors, continua Simonette, après avoir d'un geste impatient secoué de droite à gauche sa blonde tête trop lourde d'idées, alors, mais je ne me rappelle plus à quel endroit nous en étions. Nous en étions au plus bel endroit, quand les trois marquis de Carabas viennent monter sur des chameaux visiter petit Jésus dans sa crèche. C'est ça, les trois marquis de Carabas. Seulement il faut que je recommence. À ton aise, recommence, Simonette. Et tandis que monsieur faisait sa partie avec le bon curé, que madame lisait et que maman nourrice s'assoupissait à écouter le feu, pour le chat et pour moi, surtout pour le chat qui, ayant quitté la place chaude dans les cendres, était venu s'asseoir sur la table et semblait approuver de son ronron, pour le chat et pour moi, auditeurs à l'âme ingénue, Simonette, elle aura 4 ans au prochain lilas, recommença cette étonnante histoire où se mêlent, au gré d'une infantine imagination, l'Évangile et ma mère loi, les contes bleus de la nourrice et les leçons du bon curé. Alors, petit Jésus avait bien froid, couché dans la crèche sur la paille. Il serait peut-être mort sans le bœuf et l'âne qui soufflaient. Il se trouvait bien pauvre, petit Jésus. Mais ne voilà-t-il pas qu'un beau jour, on entendit en l'air un bruit de trompettes et de musique. C'étaient les trois marquis de Carabas qui arrivaient, conduits par l'étoile. Les marquis de Carabas sont toujours très riches. Ceux-ci donnèrent à petit Jésus un pot de beurre, une galette, toutes sortes de trésors précieux, et aussi un joli chapeau en drap rouge pour se préserver du soleil, quand viendrait l'été. Et petit Jésus disait, « Une fois grand, je distribuerai mes trésors à tout le monde, afin qu'on ne voie plus sur terre des enfants ni des vieux qui aient froid comme j'ai eu froid. » Mais le seigneur du pays, un ogre appelé Barbe Bleue, devint jaloux de petit Jésus et envoya de tous côtés des méchants hommes qui le cherchaient pour le tuer. Et alors Marie avec Joseph montèrent petit Jésus sur l'âne et l'emmenèrent loin, bien loin, dans les montagnes de l'Égypte. Et alors ? Et alors ? Ici mademoiselle Simonette hésita, ses yeux crispés, ses sourcils froncés témoignaient du violent travail intérieur qui se faisait dans son cerveau. Enfin, au bout de quelques secondes d'effort, elle rit au chat, rasséréné, et reprit comme il suit le fil de son histoire. Marie, avec Joseph, avait laissé Mère Grand au village, parce qu'elle était un peu vieille et qu'elle ne savait plus marcher. Petit Jésus s'arrêta donc près d'un ruisseau et remplit ses poches de cailloux blancs qu'il sema tout le long de la route. Il pensait, de cette manière, je reconnaîtrai mon chemin et pourrai retourner embrasser Mère Grand. Un jour, pendant que ses parents dormaient et que l'âne broutait attaché à un arbre, petit Jésus prit sur le bas le pot de beurre et la galette, mit son chapeau rouge et partit. Après avoir marché, marché, quand il fut arrivé dans le bois, petit Jésus rencontra compère le loup, un loup tout noir qui avait des bottes. Et grâce à ses bottes, en courant, le loup faisait 7 lieues à chaque pas. « Où t'en vas-tu, petit Jésus, avec ce joli chapeau rouge ?»« Je vais porter à Mère Grand ce pot de beurre et cette galette, et j'ai pris par le bois, parce qu'il y a sur la route les méchants hommes que l'ogre envoie pour me tuer. » Le loup voulait d'abord manger petit Jésus, mais il n'osa pas, à cause d'un coupeur d'arbres qui passait par là, armé de sa hache. Le loup demanda encore, « Et Mère Grand, demeure-t-elle bien loin ?»« Oh oui, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village. » Là-dessus, le loup se remit à trotter, allongeant ses bottes de 7 lieues, et petit Jésus resta seul, bien content que le loup fût parti. Petit Jésus, qui avait faim, cueillit les fraises du gazon et des prunelles sur les haies. Il ne voulut toucher ni à la galette ni au pot de beurre qu'il réservait à Mère Grand. On s'amusait beaucoup dans ce bois. C'était beau comme au fond d'un parc. De partout, les oiseaux chantaient. Il y avait des fleurs, des papillons et des gros lézards brodés de perles qui remuaient les feuilles sèches. Petit Jésus courut après les papillons et fit des bouquets avec les fleurs. Il essaya de caresser les gros lézards, mais tout de suite les gros lézards s'en sauvèrent. Puis il vit passer le prince charmant, vêtu d'un habit couleur de soleil, et Peau d'âne, vêtu de sa robe couleur de lune. Il rencontra aussi des fées en train de fagoter leurs feuilles de branches mortes. Il joua longtemps, longtemps, avec les 7 enfants que le bûcheron et la bûcheronne venaient perdre. Alors petit Jésus, non, le petit Pousset, voyons, Simonette, tu t'embrouilles. « Je ne m'embrouille point, » répondit Simonette, « même que petit Jésus, à force de jouer ainsi, avait fini par oublier Mère Grand. Quand il y pensa, la nuit tombait, et tout était déjà bien noir, près du moulin, en passant du pont à l'écluse. Petit Jésus se pressait, mais le loup avait couru plus vite. Le loup était déjà à la maison, couché dans le lit de Mère Grand. « Toc, toc, qui est là ?»« C'est moi, petit Jésus, que des méchants hommes voulaient tuer, et qui vous apporte d'Égypte, de la part des trois marquis de Carabas, une galette et un pot de beurre. Tire la chevillette et la bobinette !» Simonette n'acheva pas. Comme il arrive aux enfants dont la pensée travaille trop, Simonette peu à peu s'était ensommeillée en écoutant son propre conte. Elle reprit pourtant les yeux fermés déjà, mais continuant à parler dans un demi-rêve, « Tire la bobinette et la chevillette chéra !» C'était maintenant des lambeaux de phrases entrecoupés de longs silences. « Mets la galette sur la huche et viens te coucher avec moi !» Petit Jésus se déshabille. « Ma mère grand, que vous avez de grands yeux !» C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et alors, le loup se jeta sur petit Jésus. Que j'abote cette gamine, s'écria le curé qui venait de perdre. Elle est en train, je crois, de mêler l'histoire du sauveur à celle du chaperon rouge. Et alors, répétait bravement Simonette, le loup se jeta sur petit Jésus et le mangea. Puis elle s'endormit, les poings fermés, tandis que le chat, d'un bond silencieux, regagnait son gîte dans les cendres. Et moi, je disais au bon curé, « Les enfants y voient clair, parfois, et prophétisent à leur manière. Êtes-vous sûr, au fond, que le loup n'ait pas mangé Jésus ? Jésus apportait la paix sur terre, et plus que jamais on se bat. Jésus voulait supprimer la misère, et toujours la misère règne. Simonette a raison, monsieur le curé, et le loup mangea petit Jésus. » Ce qui explique bien des choses.